Le porte-parole du Conseil pour la réconciliation nationale a publié le 7 courant une déclaration qui dit « À l'adoption de la résolution de sanctions 2371 du Conseil de sécurité de l'ONU à l'instigation américaine destinée à empêcher à tout prix le renforcement de nos armements nucléaires autodéfensifs, la Maison Bleue de Corée du Sud a laissé entendre, avant quiconque, des propos présomptueux. Elle a dit qu'il est important que le projet de résolution ait été adopté promptement à l'unanimité, que l'accord de la Chine et de la Russie à l'adoption de la résolution est lourde signification. Quant aux diplomates sud-coréens, ils ont braillé que l'adoption de la dernière résolution de sanctions diminuera sensiblement les revenus en devises étrangères du Nord, que la sanction sera efficace à bloquer la voie de transfert financier pour l'exploitation des armes nucléaires et qu'elle constituera un coût non négligeable, alors que la femme ministre sud-coréenne des Affaires étrangères, Kang Yong-hwa, en tournée en Philippines, a apprécié l'adoption fructueuse de la résolution de l'ONU et en a exprimé de la reconnaissance. Loin de s'en contenter, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a dit à travers le commentaire de son porte-parole qu'il souhaite la bienvenue à l'adoption de la résolution de l'ONU 2371 et que la communauté internationale a réaffirmé sa ferme volonté de ne point tolérer l'exploitation nucléaire et des missiles du Nord. Ainsi, à travers leur consentement à la résolution de sanctions américaines contre le Nord, les autorités sud-coréennes ont révélé complètement que leur demande de dialogue n'est qu'une hypocrisie et qu'elles nous traiteront non pas comme compatriotes, mais comme ennemis. Plus les autorités sud-coréennes lancent des propos téméraires irresponsables à l'encontre du courant de l'époque, plus elles payeront cher leur conduite.